Ça fait bien trop longtemps qu'on te voit partir. Deux ou trois mois, parfois toute une année. On veut juste te voir revenir. Si ce n'est qu'une journée par chez nous. Les années ont passé et ne reviendront plus. Les souvenirs s'effacent et nous autres on pense à toi. Les années ont passé, le présent a changé. Et moi je t'écris cette chanson-là. T'as pris le premier vol qui t'a mené jusque dans le sud. Te sauver de l'hiver et du stress de la grande ville. Te laisser tomber les tiens pour te bâtir un nouveau monde ailleurs. Les années ont passé et ne reviendront plus. Les souvenirs s'effacent et nous autres on pense à toi. Les années ont passé, le présent a changé. Et moi je t'écris cette chanson-là. Et toi mon frère, perdu dans ton univers, dans ta nouvelle vie, as-tu trouvé le bonheur? On veut juste te voir revenir, si ce n'est qu'une journée par chez nous. Les années ont passé et ne reviendront plus. Les souvenirs s'effacent et nous autres on pense à toi. Les années ont passé, le présent a changé. Et moi je t'écris cette chanson-là. Depuis que t'es parti, ici tout a changé. Mon fils a grandi, puis moi je m'ennuie de ta grande gueule. T'es parti pour oublier la petite routine des gens d'ici. Les années ont passé et ne reviendront plus. Les souvenirs s'effacent et nous autres on pense à toi. Les années ont passé, le présent a changé. Et moi je t'écris cette chanson-là.